be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Martin. Et là, on le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Oui, bonsoir auditeurs et auditrices du Beau Bizarre, bienvenue en ce dimanche soir en notre compagnie. Bonsoir Alexandre, bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. Et bonsoir Fabrice. Alors ce soir, l'émission sera moins planante que celle qui l'a précédée. Puisque je... Bien oui. Puisqu'Alex est puni. Et je suis puni, donc pas de programmation. Et Fabrice pour a moi. Décidé de prendre les devants et je vous assure que. Ça va changer du tout au tout. Ça va changer du tout au tout parce qu'il a une âme de révolté. Ça va s'entendre ce soir. Ah, ça va s'entendre et pas qu'un peu, hein, je peux vous le dire. On va commencer pour donner le ton avec un groupe japonais qui s'appelle Optrum et un morceau intitulé 22 Century Gewalt Woman, tiré une fois encore de la magnifique revue Improvised Music from Japan. Cette fois-ci, c'était le numéro qui était sorti en 2004. Alors, Optrum, évidemment, nous vient du Japon, et comme beaucoup de formations qui viennent du Japon, on ne sait pas grand-chose d'eux. Mais on peut lire sur le livret que c'est un groupe qui cherche à incorporer des lumières fluorescentes dans sa musique punk et jusqu'à l'étendre à une force et à une rage de destruction complète. Voilà, c'est du live enregistré en studio et vous n'aurez droit qu'à un petit aperçu de 2 minutes 49. Ça dure beaucoup plus longtemps, ils enchaînent des morceaux qui durent parfois moins de 30 secondes. D'accord. C'est pour tout de suite. Et les albums durent 3 heures. Hop, troum. We'll be right back. you know I had to meet you. What if maybe I was in a cool group then? I didn't have acne or hang out with Ben. What if maybe my teeth were a bit straighter, my nose was a bit smaller, mum let me stout later? What if maybe we'd have had more dough? And what if maybe I didn't wear Napco? And what if maybe mum had given in on the wall of dream skate jacket, rebob pump and a gold sovereign? What if maybe we lived round the estate? And what if maybe I had a different bunch of mates? And what if maybe Logan was someone else and we never watched the films on his dad's top shelf? Ooh, what if maybe? Ooh, what if maybe? Ooh, what if maybe I hadn't have met you, no, I hadn't have met you? Ooh. And maybe I'd have got in with the king, and maybe he'd have took me under his wing, and maybe that night I'd have gone with him and we'd ended up as cellmates in Belmarsh prison. And maybe I'd have got all that kit, and maybe I'd have stuck with that music, and maybe I'd have never gone to South Africa and gone to the Big Smoke to be a DJ superstar. Maybe I was a lot better looking, maybe the other boys wouldn't have got looking, maybe I'd have got in bed with Casey, got stuck in the house somewhere carrying the baby. Ooh, what if maybe? Ooh, what if maybe? Ooh, what if maybe I hadn't have met you, no, I hadn't have met you? What if maybe I hadn't have met you, no, I wouldn't have got this far, no, not without you. What ifs and maybes, de Bromette Jacket, un groupe anglais, comme vous l'aurez sûrement deviné, à l'accent du sud de l'Angleterre du chanteur Tim Hampton. C'était sorti en 2006 sur un album qui s'appelait From the Computer Belt. Et c'est un groupe qui est toujours en activité et qui a fait, pour l'année 2010, ils se sont lancés dans un marathon de singles hein, par mois, comme l'avaient fait à une autre époque les Wedding Present pour les anglophiles. Et voilà, ça a donné lieu à un album ou ça va donner lieu à un album des Bromette Jacket qui s'appelle maintenant les Bromette tout court. Mais les Wedding Present, qui étaient à un concert à Montpellier, d'ailleurs, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble bien que ce groupe continue à tourner, même en France. Là, on va repartir aux États-Unis. Non, on va plutôt aller aux États-Unis, puisqu'on est parti du Japon. On est passé par la perfide Albion. Donc maintenant, on se rend aux États-Unis avec les Black Angels. C'est le morceau You on the Run sur l'album Directions to See a Ghost. Bon, les Black Angels, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du rock psychédélique, hein, pour aller vite, marqué par les manes du Velvet Underground, puisque le nom du groupe déjà s'inspire en effet d'une célèbre chanson de la bande à Lou Reed, hein, le morceau The Black Angels Death Song. Et puis en plus, le logo du groupe, c'est en fait une photo de Nico. Voilà. Alors, You on the Run ouvre le second album de Black Angels, des Black Angels, et on le trouve aussi sur l'excellente bande de son du non moins excellent film de Jim Jarmusch, The Limits of Control. Voilà. Allez, les Black Angels, direction Austin. G, I really love you de Heavy Trash. Heavy Trash avec évidemment le magnifique John Spencer. C'est tiré de leur dernier album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, en 2009, Midnight Soul Serenade. Et en ce qui concerne le John Spencer Blues Explosion, pas de nouveautés annoncées, mais pour ceux qui seraient en manque. Ils ont sorti une sorte de best-of il y a un an et demi maintenant. Ben écoute, c'est très intéressant tout ça, mais qu'en est-il de Kim ? Alors, Kim, oui, nous allons enchaîner avec Kim. C'est un peu le John Spencer français. Ah, voilà, ben voilà. Voilà, le trait d'union, parfait. John Spencer français. Je force un peu le trait d'union, je crois. Non, c'est plutôt, on est plutôt dans un registre lo-fi, mais il a fait des disques. Alors, Kim, c'est un français très prolixe, 19 albums en 15 ans d'existence, un touche à tout, il fait un peu tous les instruments dans sa discographie. Et sa discographie, il s'est attaqué à des choses très expérimentales, à des choses très folk, à des choses très rock. Et puis les derniers albums sont plus à base de synthétiseurs. C'est ce qu'on va écouter. On va écouter le premier album d'une trilogie. L'album s'appelle Don't Do. C'était sorti chez Vicious Circle en 2008. Depuis, il y a eu un deuxième volume. Et là, il y en a un troisième qui va sortir ou qui est peut-être déjà sorti. Une trilogie autour de Lidou. Et donc, après Don Lidou, Marie Lidou, ça va être Radio Lidou pour 2012. Et là, ce qu'on va écouter, c'est un morceau un peu funk, intitulé tout simplement et très amoureusement Girl. Girl. Can you hear my soul? It's only heaven and bare search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without knowing the end. Passing over and over me. Well, it seemed like a routine case at first, with the death of the shadow came a lightness of still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Bill Callahan, qui est très grand, c'est vrai, qui chante le magnifique morceau intitulé Jim Kane. C'est tiré d'un album qui a fait date ou qui fera date dans la musique folk ou néo-folk. I Wish We Were Eagles, qui était sorti en 2007. Voilà, et on peut que vous encourager à écouter son dernier album Apocalypse, dont on avait passé un morceau pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Bon, on va rester dans un registre assez calme hein, avec Oren Bledow et Jennifer Charles, le morceau La Rosa, qu'on trouve sur l'album La Mar en Fortuna. Hein. Alors, c'est un album qui est paru dans la série Radical Jewish Culture du label Tzadik de John Zorn. Et dans cet album, on trouve quand même de nombreux musiciens, une bonne quinzaine. Il y a des violoncellistes, des violonistes, un clarinettiste, etc. Donc c'est vraiment un album assez différent quand même de ce que faisait le duo dans Elysian Fields, qui est plus un rock crépusculaire avec aussi des ambiances jazzy, charnelles. Alors, cet album, en fait, il reprend des chansons traditionnelles, à la fois issues d'un répertoire arabo-andalou et aussi des chansons représentatives de la diaspora juive, hein, puisque ça s'inscrit donc dans cette série radicale Jewish Culture. Alors voici La Rosa, Aaron Bledow, Jennifer Charles. Mi alma. Yeah. Poetry de Björk sur son quatrième album, c'est-à-dire Vespertine. Un morceau qui était, je crois, le second single d'ailleurs issu de Vespertine. Alors, les paroles évoquent une jeune femme qui se prépare au mariage et à son fiancé. Et bon, j'aime beaucoup ce morceau parce que je trouve que ce qui réussit, c'est en fait l'association des chœurs qui sont exclusivement féminins, qui sont très évanescents, avec une rythmique, fait des rythmes très lourds et qui créent, je trouve, un univers qui est assez contrasté. Et justement, j'aime bien chez Björk cette capacité à évoquer des sensations contrastées dans le même morceau. Bon, après, on peut ne pas aimer la suite de sa carrière, hein, on pourra toujours vérifier ça aux arènes de Nîmes, si vous en avez le courage et le portefeuille. Cet été, au mois de juillet. On va enchaîner, je crois, avec Black Dice. C'est ça Alex, oui, c'est ça. Donc Black Dice, bon, le morceau, ça sera Things Will Never Be The Same sur l'album Beaches and Canyons. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est du rock expérimental, un groupe formé à la fin des années 90, qui développe donc une musique plutôt bruitiste et agressive, même si le morceau qu'on va écouter est plus planant, en tout cas dans sa première partie. Il y a pas mal de sonorités quand même qui relèvent du noise rock le plus débridé et déstructuré. Juste pour terminer, dire que Beaches and Canyons était sorti sur le label Fat Cat. Alors voici maintenant Black Dice. Thank you. Et nous allons vous souhaiter une bonne soirée sur ce, en vous laissant avec Ennio Morricone et The Story of a Soldier, tiré de la bande-son du Bon, la Brute et le Truand. Et on va faire court pour pas trop chanter ce morceau assez extraordinaire de Morricone. On vous annonce juste le thème de la prochaine émission, qui sera les silly songs, les chansons ou les musiques idiotes. Voilà, et sur ce, bonne semaine à tous. Salut à tous. Bonne semaine, au revoir. From prairie.